Vous êtes fusionné, vous n'aviez pas ce problème-là. Et comme vous n'êtes pas fusionné et vous êtes dans la vibration, l'énergie est forte. Fait que là, si vous ne coupez pas, là, vous partirez en bas là. Moi, c'est un Parce que c'est normal de vieillir jusqu'à un certain âge, on n'a pas besoin de vieillir trop vite pour rien. Donc on perd trop d'énergie. Je vais l'arrêter. Donc, il nous bloque. Là, ça frustre l'ego, ça frustre l'ego. Oui. Éventuellement, mais ça revient, tu peux parler, mais tu fais pas d'overtime. Tu peux pas rien. Mais tu sais, vibratoirement, tu sais quoi dire, tu mesures tout vibratoirement. Mais tant que vous n'êtes pas sensible à la vibration, mais vous coupez. Fait que c'est là qu'il vous rend sensible à la vibration. En tout cas, tu sens le feu. Oui. Tu sens leur influence. Oui. C'est ça qui nous rend conscients de la vibration. Faut qu'on devienne sensible à l'influence. Sans ça, on serait jamais sensible à l'influence. Fait qu'il nous coupe. Vous savez, ça nous forge. Ça ajuste le corps mental. Ça développe le corps mental supérieur. Parce que là, on perd l'énergie émotionnelle. Éventuellement, quand le corps mental supérieur est ajusté, là, tu peux parler n'importe qui comme avant, mais plus intelligemment. C'est quoi dire? C'est un bisou. Wow. Ça, faut qu'on y passe tout, Mais ça s'en vient moins bien. Ouais. J'ai vécu ça, là, tiens, moi, le budget, j'ai fait son top. C'est ça, c'est fatigant. C'est vrai, c'est l'ego. Surtout un ego qui avait la gazette avant, puis C'est-à-dire, il y a des périodes, dans mon tempérament, je parle pas beaucoup. Mais là, il y a des périodes où je parle pas mal, ces derniers temps. Et là, j'ai pas me peur. Derrière moi, donc je parle moins. Avec raison. C'est des gens, vous autres. Oui. Depuis de longues dates. Quand vous sentez votre place, parce qu'ils ont suspendu l'énergie. Si tu as cette date, on sait. C'est plus que plat. Ça m'est arrivé cette semaine. Bon, j'ai dit, c'est tout plat. Moi, je suis une personne, je ne suis jamais ennuyée. Je ne connais pas ça de la nuit. Tu sais, j'écoute la musique, je lis, je n'importe quoi. Je ne connais pas ça de la nuit. Cette semaine, mais j'ai dit, c'est assez plat. Faut que j'en occupe. Comme ça, ils prennent le temps de continuer. Mais es-tu capable de m'expliquer pourquoi ils font, c'est pour ajuster tes corps? Pour toujours changer la vibration du corps astral. Ah bon? Parce que l'ego, le corps astral, tu regardes, tu gommes, tu vas au but, tu fais l'énergie de musique. Je me souviens, en milieu tout ça, moi, j'avais bien les deux. C'était toujours dans les parties. On était toujours... tout le monde s'amusait. Tout à coup, moi, je trouvais ça ennuyant. Je trouvais ça prêt assez pour avoir envie de prendre la vie. Puis ça arrivait à tout. Tu sais, quand on dit que l'âme souffle dedans, elle essaie tout le temps de travailler. Ouais. C'est ça. Bon, mais ça, qu'on est jeune, les affaires de c'est ça qu'il y a. Bon, on en souffre psychologiquement, subjectivement, on se crée des complexes. On se pense anormal. Oui, je me dis que c'est normal. Le monde s'amuse, puis tu t'amuses pas, tu es niaiseux. Ben, il y en a certains. T'as peur des autres. Moi, je vois d'avoir été pratiquement

Mais c'est autre chose. C'est au niveau des, de l'âme. C'est une vibration dans l'âme que l'ego comprend pas. Il y a des aspects. C'est ça que je dis que l'homme est un mystère à lui-même. Puis c'est ça que je dis que l'homme doit en arriver, pardon, un jour à tout se connaître. C'est pour ça que la simplicité, c'est important. Parce que tant qu'on est dans notre ego, tant que l'homme sera dans son ego, tant que l'âme sera prisonnière de l'ego de l'homme, l'homme ne peut pas être parfaitement heureux. Il peut être heureux, mais il peut pas être parfaitement heureux. C'est quand l'âme et l'ego sont un, totalement un, que l'ego est totalement dans la lumière de l'âme, puis que l'autre ego est totalement dans la lumière de l'âme, qu'à ce moment-là, les deux êtres peuvent être parfaitement heureux. Parce que l'âme, elle travaille tout le temps, elle. Moi, je me rappelle, durant l'initiation, moi, je pouvais pas sortir. Je pouvais pas aller dans les clubs. Puis ma femme, elle aime ça, elle est dans un club, prendre du verre. C'est une femme du monde, maman. Elle aime ça, s'amuser. Bon. Puis un jour, elle a rencontré un type, un bel homme, une affaire de 6 pieds 2. Un bel homme. Tu sais, quand tu dis un bel homme, pas un amancheux comme moi, hein, tu sais. Puis comme je pouvais pas sortir, puis je pouvais pas l'abuser, j'étais en initiation. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu sors pas avec? Pourquoi tu vas pas aller souper et manger? Puis c'était un gars qui était, tu sais, bien, tout au bas. Puis elle est sortie, puis elle est allée souper, puis elle est allée manger, puis elle s'est fait payer. Bon, ben, elle a eu du fun. Belle intelligence, dedans. Moi, ça faisait partie de mon travail de le faire. Il fallait que je le fasse, d'abord pour qu'elle se relaxe, puis aussi pour qu'elle détruise en elle la susceptibilité. Pour qu'elle devienne centrique. Parce qu'une femme, en général, si son mari dit, bon, mais pourquoi tu vas pas sortir avec lui, ben, elle a l'impression qu'elle l'aime pas. Hein? Parce qu'un homme va pas dire, sors donc, tu diras pas à ta femme de d'aller sortir avec un autre gars. Elle se demanderait des questions. Bon, c'est un petit peu de même. Pour détruire cette illusion-là, je l'avais faite. Mais je disais à eux autres, combien de temps ça va durer, cette affaire-là? Ils disaient 3 mois. Mais j'avais hâte que ça arrête. J'avais hâte que ça arrête. Pas à cause de la femme, mais à cause de l'autre gars. L'autre gars était pas conscient. C'est un grand bonheur. Moi, je pourrais dire à ma femme, va-t'en donc avec, comment ça s'appelle, Michel, à soir, prends un drink. C'est une autre vibration. Mais quand tu tombes au niveau de l'inconscient, elle les appelle les inconscientsaires. Il y a des gens, le monde, des inconscientsaires. T'as pas un beau être inconscientsaire, t'es un zizi pareil. C'est vrai? Mais étant suffisamment consciente, je savais où elle pouvait arrêter. Mais je lui disais pareil, quand est-ce que ça va arrêter? Ça va être à 3 mois. Pas fou que ça dure 3 mois. Lui, il vivait de ses illusions. Lui, il vivait de ses illusions, puis ma femme, elle vivait de son expérience. Puis moi, j'en pâtissais. Mais moi, j'étais fusionné, puis j'avais pas de choix. Quand c'était là, tout le monde travaillait. Tout le monde travaille. Exactement. Puis un soir, il était à 3 heures du matin, il va pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Les autres, ils me disaient, elle s'amuse. Même toi, ça te relaxe, ça. S'amuse. Je suis pas bien long. Mais l'affaire que tu parles, là, c'est lié à ça. La possession de la sincérité, tout l'affaire. C'est des vibrations qui viennent de l'âme. Ça. C'est pas que souvent, il y a des affaires, des parties. Quand il y a quelque chose qui fait de vous-même que vous comprenez pas, c'est parce que ça vient de l'âme. Quand ça se saisit pas, comme on dirait qu'il n'y a pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison, justement. Ça vient de l'âme. Tu sais, quelque chose qui arrive, il n'y a pas de raison. C'est ça. C'est ça. À ce moment-là, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de le vivre. Puis de le comprendre dans ce sens que c'est de même, puis il n'y a rien là. Mais pas s'en culpabiliser puis s'en faire une montagne. C'est dégueulasse quand tu t'arrives quelque chose. T'as jamais été jalouse de rien, là. Ouais. T'arrives quelque chose, là. Tu fais une crise de jalousie. Ou du moins, tu te rends compte que c'est de la jalousie. Ouais. Ben, c'est parce que on l'interprète de même. Mais c'est pas de la jalousie. Je m'en vais chez Guy, là, puis je sors de là en rage vénère, jalouse, là. Parce qu'il a parlé mieux que moi, là, tu sais. C'est. Hein? Je sors de là en rage vénère, sûrement pourquoi. Plus de jalousie. Ouais, c'est des taquineries, c'est... C'est tout du jeu, c'est tout du travail. Ils font toujours du travail. Mais il dit de tempérament, tu pourrais être susceptible à la jalousie. De tempérament, tu pourrais être susceptible à la jalousie parce que de tempérament, t'es possessif. La jalousie, elle commence toujours avec la possession quelque part. Je m'arrange de la possession. Dizaine d'enfants, je suis toutes mes affaires. Moi, je ramasse, ma vie, je ramasse, puis elle est en moi, je suis toujours dans le jeu. C'est une crasse. Toute ta moyenne, si je m'en mets dessus, c'est ta moyenne. Regarde. Hey, ma pomme, je m'en mets. As-tu cette arme dans la cuisine? Ouais. J'arrive ici, tu t'es capable de l'élever, je te la donne. Je l'ai élevée, pour vous me la donner. Si t'es capable de la sortir. T'as dû t'es capable de la lever. Je regrette, mon petit Davio. Je l'ai élevé, puis il n'y a pas eu de mots. Ben oui, mais je l'aurais sorti, mais là, il n'y a pas voulu. Il donne. Engine giver. Non, mais c'est vrai, c'est des taquineries. Des taquineries. Oui, d'autres, la baguette. Je dis que les... Rayleigh. Ben non, comment ça s'appelle? Comment je dis, là? C'est quoi, maintenant? Herbeck? Oui, Herbeck, son dragueur, c'est vrai. Tout comme elle. Monsieur Herbeck a mangé trop de tarte. Mais il dit que ça vient bien, monsieur Herbeck. Mm-hmm. Il dit qu'il est tranquille ou pas. Oui, la preuve, c'est que de temps en temps, l'autre, ça nous énerve que l'autre se mette à résonner et à échappauder une baisse. Comment est-ce que vous réagissez, vous autres? Ah, mais là, avec eux autres. C'est loin de nous autres. Ben, c'est parlé de ça. Il faut un peu de saloué. Ah ouais, loin. Et moi, je dis, veux-tu, je vais te lire ça, je suis juste une demi-page, j'y veux pas. L'autre jour, je l'ai lu pareil, j'ai dit, je te lis pareil. Puis c'était dans Cosmogonie, là, quand Jésus, comment est-ce que ça fait? Oui, moi, dire, hein? Moi, c'est rendu que le mot Jésus me fatigue. Ouais. Le mot Jésus me fatigue. La vibration du mot Jésus me fatigue. Parce qu'il y a toujours une émotion là-dedans. Puis il n'y avait pas d'erreur là-dedans. Y a pas y a pas, ça n'a pas été poussé trop loin. J'avais lu une fois que les initiés se demandaient s'ils avaient bien fait la l'affaire. Les initiés ne se demandent rien. C'était pas des initiés. Des canards. Un initié, ça se demande jamais rien. C'est parce que ça existait dans ce temps-là, il y a 2000 ans passé. C'était dans ce temps-là. Là, 2000 ans après, il y a d'autres choses à vivre. C'est ça que ça me dit, déjà. Qu'est-ce que ça te fait, les séminaires? Qu'est-ce que... Moi? Ouais. Un séminaire? Mais pas les séminaires, mais je sais pas, tout le temps qu'on joue. J'aime ça. T'aimes ça? Ouais. Moi, je m'inquiète toujours des jeunes un petit peu. Je m'inquiète toujours des jeunes dans le sens que... Je m'inquiète des jeunes jusqu'à temps que je m'en inquiète plus. C'est vibratoire. C'est toi que j'aime pas ça avoir trop de jeunes. J'aime mieux que ce soit les parents qui amènent des jeunes là, qu'avoir un contact direct avec eux autres. Mais elle a l'autre. C'est une responsabilité, ça. Une responsabilité. C'est-tu parce qu'ils sont plus faciles à l'interprétation? Ça dépend de la nature émotionnelle, comme elle est. Sa nature, c'est son type émotif. Ils sont pris entre moi et le monde. Ils sont pris entre moi et les idées du monde, les idées de l'école. T'sais. Fait que s'il y a des parents pour balancer ça, ben là, ça aide. Ils sont pas tout seuls. T'sais. Comme lui, Proto, il a sa fille, mais il est à la maison, il a sa mère. T'sais. Fait que la jeune n'est pas seule. Parce que l'ego est pas fermé encore. Quand t'as 20-21 ans, l'ego se forme. Là. L'ego peut prendre ses décisions, peut aller dans des grands. Quand ils sont plus jeunes, là, c'est légèrement difficile, comme tu dis, à cause du comportement. Il faut en faire à plusieurs professeurs, d'abord, dans le vieux de retraite, qui ont, ils sont politiquement spirituels différents. Puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, Guy, c'est le fait qu'eux autres, ces enfants-là, sont en quoi à l'école? Ouais. Tiens, lui, c'est un exemple. Lui, il y a une minute, il ne voulait plus aller à l'école. Il dit, ah bon, mais dans 20 ans, les choses vont changer, comprends-tu? Pourquoi est-ce que je me casse la tête? Puis, fait qu'à un certain moment, j'ai essayé de faire comprendre. Faut qu'on vive. Le cas, c'est un engloutillage pour vivre. Ça amène une certaine rébellion d'après le concept de l'école, le concept qui commence à comprendre. Exactement. Exactement. Faut qu'il y ait une fusion des deux. Ça demande des reins forts. Parce que là, à l'école, moi, je voudrais pas être dans l'école pour savoir ce qui s'en vient. Je n'irai pas à l'école longtemps. Tu sais, il y en a qui me demandent pourquoi tu fais pas des séminaires pour les jeunes. Je suis pas capable encore. Ils m'ont coupé. Parce que c'est une responsabilité. Puis je pense que si je fais des séminaires pour les jeunes, je demanderais aux parents de me signer une lettre comme quoi ils viennent d'un séminaire. Il s'agit qu'ils t'en mettent un qui flanque. Parce que les adultes. C'est des adultes. Ça se remet sur une traque, un adulte. Ça s'ajuste. Mm-hmm. Même s'ils sont bien sensibles. Les jeunes. Parce que les jeunes ne réalisent pas, mais moi, je sais ce que ça fait. Mais elle est calme. Elle est calme. Elle, elle s'en va bien, la grande sensible, elle s'en va bien, ta chum. Hein? Elle s'en va bien, hein? Ah oui, ah oui. Ouais. Ouais. Il y a des périodes de révolte. Ouais. Assez grave. Ah, mais c'est ça qui t'amène. Si tu te révolteras pas, ma petite fille, tu seras embarquée dans la spiritualité, t'es sorti un peu, puis t'as révolte monté, puis t'as... Tout le temps en révolte, dans une journée, il y a toujours quelque chose. C'est ça. Tout le temps. Révolte. Après, quand quelqu'un qui a un œil d'aigle, elle avant, c'était un jaune d'œuf. C'est ça. L'autre ici, monsieur... comment ça s'appelle? C'est adjoint. Moi, depuis un mois, là, il y a eu des... J'ai senti les changements. Depuis un mois, trois semaines et un mois. Pour moi, c'est plaisant, c'est parce que c'est comme si je dis, bon, ben, c'est en famille, là. Hein. Le gars est dans... Après ça, une fois que t'es dans la roue, tu comprends, ben, ça prend le temps. C'est une fois que t'as passé la roue, là, c'est le démarrage. Le roue est parti. Ouais, là, c'est le fun. Là, je ne sens plus le poids, bref. Tu sens que ça commence à venir de l'intérieur. Ouais. Parce que quand ça vient de l'intérieur, je le sens, moi. T'sais. Rien que ta façon de me parler, je le sens. Vos questions me le disent. Comme ça, tu me dis, ils ont hâte qu'elle se fasse un chum, mais. Mais hop, qu'est-ce que ça fait? Il dit, c'est pas le temps, quoi. On dirait qu'il préserve les gens de certaines expériences pour d'autres expériences. Puis l'ego, souvent, lui, ça le taquine. L'ego, il aimerait ça. D'autres expériences. Il y en a qui se marieront pas vite. D'ailleurs, moi, je suis sûr que toutes les alliances qui vont se faire dans l'avenir vont se faire à l'intérieur de cette conscience-là. Les gens vont se découvrir, ils vont en avoir un, là, un certain âge qui va rencontrer l'autre, ça va cliquer. Ça marche parce que tu peux pas. Tu peux pas, tu sais, aller vers de l'inconscient. Non, tu peux plus. La conscience va vers la conscience. C'est ça. Une nune qui est venue à un séminaire, elle était assez cute. Elle avait 25 ans, je n'en ai pas là, une fois. J'ai hâte qu'elle s'accroche, elle. Es-tu seule? Moi, je peux. Hein? Je sais pas comment est-ce que ça fait. Elle est frisée, là. Ouais. C'est Sylvie, c'est Sylvie. Sylvie, elle est cute, cette fille-là. Et Diane, on est deux petites sœurs. Ouais. Deux belles filles. Elle a des beaux yeux noirs dans un beau teint. Vous autres, vous êtes rencontrés au séminaire, vous deux, elle allait? Non. Ah, mais je veux dire, après le séminaire ou avant? Avant. Vous connaissiez avant? Oui. Mais ça a cliqué après. Cliqué dans le sens qu'on le comprend, nous autres. Mm. Ouais. Hein? Parce que moi, je me rappelle, vous avez vu une journée puis j'ai fait un commentaire. Puis c'est après cette journée-là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu veux l'air, pas vrai? T'as fait la nuit. Toi, t'es chanceux. Ah oui. Moi, j'ai fait 2000 milles pour marier ça. 2000 milles, tu fais l'âge. Nous autres, on a traversé une cour. Sais-tu qui c'est quand même dit qu'elle est encore gênée? Ta femme. T'en connais. Ça prend 2 ans, il n'a plus de gêne après 2 ans. Puis la gêne, c'est comme c'est une retenue d'énergie, la gêne. C'est une retenue d'énergie. Ils sont tous les gênés un petit peu. 2 ans, mais plus de gêne. C'est pas par rapport à un balancement, ça? Par rapport à nous deux? Ah, il dit par rapport à elle-même. Par rapport à elle-même. Parce que des fois, moi, j'ai pas de gêne bandit, des fois, je suis gêné. Ouais. Ah, mais toi aussi, t'as de la gêne. Oui, oui. Ah, oui. Tu veux mettre un petit peu en dedans, cacher un petit peu en dedans. Elle sort de temps en temps. Et des fois qu'elle bloque complètement. Ouais. Une autre fois, ça ne me dérange pas pendant tout le temps. Mais toi, ta gêne, c'est interne. Ça n'a pas l'affaire avec l'extérieur. Non. C'est comme vibratoire. C'est vibratoire, exactement. c'est pas les jaunes. Il veut le sourire à soi. J'aime bien ça. Pas besoin de se parler pour être belle. Ouais. Elle est bien. Elle est bien, ça. Il est trop de chèque. Il y a beaucoup de boîtes. C'est calme ici. Ouais. Toujours été bien dans mes sens. Toujours été bien. On est tous dans. Ce que j'aime que les gens soient à l'aise. Quand ils viennent à la maison, là, j'aime ça. Quand les gens disent, on se sent bien. Ça. Ils se mettent à l'aise. On peut se parler. C'est bien. Il y a des scripts, là. Ah. Écoute, t'as bon. Ça se tasse. Je te sais bien, là, c'est ça. C'est vrai. Et bien, toi. Elle a tout intériorisé, son énergie. Hein? Tout est lui. Je me rappelle quand on s'est rencontré, c'est bien. Tu veux parler. Ouais, mais je t'ai vu qu'ils sont peut-être à soir.

Mais s'il y avait eu de l'intelligence dans l'éducation, puis l'amour après, ça ne serait pas arrivé. Alors, le respect, c'est la base de tout ça qui amène le rapport intelligent avec les parents. C'est pour ça que c'est si important, le respect. Puis il dit que c'est ce qui manque dans l'éducation, puis la façon que les enfants sont éduqués dans la société moderne. Parce qu'on a, on a mis de côté la discipline. Puis la discipline et le respect sont ensemble, parce que t'es obligé d'appliquer la discipline pour maintenir le respect. Puis il me donnait comme image, le respect c'est comme un choral, t'as un cheval dedans qui se promène. Il peut faire tout ce qu'il veut le cheval dans le choral, mais s'il saute la barrière, vous le ramènes dans le choral. Ça c'est le respect à la barrière. Puis ça c'est le talent qui établit la grandeur. En suivant la vision du parent, suivant la sensibilité du parent, suivant la perception du parent, suivant la conscience du parent, le corral est plus large. Un parent qui n'a pas beaucoup de conscience, mais il va y donner un petit peu de corral. Puis un parent qui a plus de conscience va donner plus de corral. Fait que l'enfant a plus de liberté, mais ça n'empêche pas le parent de voir tous les mouvements dans le corral, même s'il est bien grand. Fait qu'à la fois, l'enfant se développe, puis devient créatif, puis devient autonome, mais la barrière est toujours là pareil. C'était un petit peu de net. Parce que plus tu deviens conscient, plus tu fonctionnes vibratoirement, fait que plus tu vois tout au niveau vibratoire. Mais si on fonde notre éducation sur la psychologie, c'est pas bon parce qu'à ce moment-là, on crée des cadres dans lesquels on veut que nos enfants fonctionnent. Puis nos enfants peuvent pas fonctionner dans ces cadres-là parce qu'ils ont pas notre psychologie. Ils ont un tempérament différent, puis ils ont un caractère différent. Tu prends la famille des Helvets, c'est un exemple. Elle a un caractère qui est totalement différent des autres. Le sien, il est plus rapproché du sien. Puis elle est bien plus indépendante que sa parent en surface. Elle a une enfance. Elle mais elle est bien plus indépendante, puis bien plus... elle est bien plus dans ses idées qu'on pourrait s'imaginer. Mais il y a beaucoup de respect pour ces enfants-là, pour les parents. Ou il y a un petit peu moins de respect, c'est dans son cas, elle. Mais ça, ça se développe avec le temps. Chaque enfant doit être donné la mesure du respect qui va à sa personnalité. C'est un contrôle de respect. Puis plus un enfant est sage, mais moins il a besoin d'être donné de respect. Sage dans le sens moins égocentrique, moins sage dans le sens où le caractère ne fait pas interférence avec la société, la famille. Respect va avec l'écoute, par exemple, si on écoute un enfant, si on est vraiment attentif à ce que l'enfant vit, c'est lui porter respect. Oui, c'est ça que je disais à Michel à soir. Ça, c'est descendre à son niveau. Tu le respectes automatiquement, tu alloues à sa personnalité, tu t'exprimes, puis automatiquement, l'enfant est content. L'enfant est content. À ce moment-là, l'enfant te donne le respect. Ça donne le respect. Parce que si tu n'écoutes pas l'enfant, il ne donnera pas de respect. Il faut que tu lui donnes le respect, tu lui donnes le respect. Et puis on lui donne la chance de grandir. C'est ça. Nous autres, ma petite fille a voulu aller à la pêche. Elle dit, papa, j'aimerais savoir une ligne de pêche. J'ai acheté une petite ligne de pêche chez Sears. Petite ligne de pêche pour son grandeur. Là, je l'ai amené à la maison, elle était bien contente. Je l'ai amené dans les séminaires. Fait que c'est comme si je vais en voyage. Je pourrais aller voir l'aéroport. Fait que là, j'ai donné sa ligne de pêche, j'étais bien contente. Puis l'année, j'ai amené deux de mes amis, ma femme, puis une autre personne. On est tous des speakers là. On est parkés dans le char, à côté de la rivière. Puis il y en a un qui est sorti, puis qui a monté comment faire sa pêche, là. Puis on était tous là, pour on les regardait poigner ses poissons. Il y en a pas un de nous autres qui est parti parce qu'on aime. Moi, je pêche pas, mais eux autres, ils aiment ça aller pêcher. Puis... L'ego était pas impliqué dans l'action de la pêche. Fait on était tous là, comme cinq yo-yo, là, qui regardaient la petite pêcher. Fait que tu comprends qu'on en recevait de l'impression venant de nos personnalités à eux autres. Puis on est reparti. Aujourd'hui, t'es arrivé de l'école, puis elle dit, papa, je voudrais aller pêcher. Puis je dis, ouais. Elle pensait que je t'appelais à conduire en bas de la côte. Prends une petite marche, je vais pêcher. Fait que ça, c'est une des raisons pour que j'ai acheté la canne de pêche, pour qu'elle puisse descendre par elle-même, puis aller pêcher. Tu sais, comme moi, je vais pêcher. Ça, tu viens avec ta pêche, ton poisson, sans rien raison. Fait que le mouvement est fait, j'ai pas mal occupé de ça. On lui a donné l'impression du respect.